si on existe, si on n'est pas le fruit de notre imagination, si on n'est pas en papier carton, si on existe, si on n'a pas brûlé à la Saint-Jean, on ne s'est pas noyé dans la piscine du voisin. Alors on s'aimera. Jusqu'à la mort. Alors dis-moi oui. Si on existe, si on ne s'est pas perdu dans le brouillard, mes lèvres, si on existe, si on ne se lasse pas de mourir, être ressuscité au creux d'un mur fou, alors on sait.